إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شهر رمضان، وقد تحدثنا أمس عن فضل القرآن وعن فضل تلاوته، ونتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن أقسام الناس في الصيام. وقد ذكرنا فيما مضى حكم الصيام، وأنه فرض، وأنه واجب، وأنه ركن من أركان الإسلام، وأن من أنكر وجوبه فقد كفر والعياذ بالله. وذكرنا أيضا أن فرض الصيام كان في أول الأمر على مرحلتين: المرحلة الأولى التخيير بين الصوم والإفطار مع الفدية، وأن الأفضل الصيام، والمرحلة الثانية الصيام ووجوبه، قول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. Donc ceci est la quatrième assise, les assises du Ramadan. Ces rappels et ces exhortations sont tirées du livre de l'éminent savant Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen رحمه الله تعالى. Hier, on a parlé du mérite du Coran et du mérite de sa lecture. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes catégories de gens et le jugement du jeûne concernant chacune de ces catégories. On a vu dans les cours précédents, dans les assises précédentes, que le jeûne du mois du Ramadan est un pilier de l'islam, que nul ne saurait remettre en cause son obligation. On a vu également que l'obligation du mois du Ramadan, du jeûne du mois du Ramadan, s'est fait en deux étapes. La première, en donnant le choix de jeûner ou de ne pas jeûner, tout en donnant une compensation. Puis que ceci a été abrogé et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de jeûner le mois du Ramadan. Les gens vis-à-vis du jeûne sont de 10 catégories. والناس في أحكام الصيام أقسام عشرة. القسم الأول: المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع، فيجب عليه صوم رمضان في وقته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. La première catégorie de personnes, ce sont les musulmans. Le musulman pubère, qui a sa raison, qui est résident, qui a la capacité et qui ne comporte pas de mawani', de choses qui l'empêcheraient de jeûner. Donc c'est un musulman qui a atteint l'âge de la puberté, qui a sa raison, qui est résident, qui a la capacité physique et qui n'a aucune chose qui l'empêche de jeûner. Cette personne, il lui est obligatoire de jeûner le mois du Ramadan. Et cela est prouvé dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à l'unanimité des savants de l'islam. La parole d'Allah Azza wa Jal, « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan linnas wa bayinati min al-huda wal-furqan, faman shahida minkumu shahra falyasum. » ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا. الله عز وجل a dit dans son noble livre, selon le sens, le mois du Ramadan dans lequel est descendu le Coran en guise de guider pour les gens et preuve claire de la guidée et du discernement, celui d'entre vous qui est présent dans ce mois qu'il le jeûne. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous voyez le croissant lunaire, alors jeûnez. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الصغير فلا يجب عليه الصيام حتى يبلغ. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les enfants. Il ne leur est pas obligatoire de jeûner jusqu'à ce qu'ils atteignent la puberté. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يفيق. La preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La plume est levée. La plume est levée. C'est-à-dire que ces personnes, ces catégories de personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va citer ne sont pas responsables de leurs actes. Et on ne leur impose pas de mettre en application les ordres d'Allah et de délaisser ses interdits. La plume est levée sur trois personnes. An-na'imu hatta yastayqidh. La personne endormie jusqu'à ce qu'elle se réveille. وعن الصغير حتى يكبر. Et l'enfant jusqu'à ce qu'il grandisse. وعن المجنون حتى يفيق. Et celui qui n'a pas sa raison jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, وعن المجنون حتى يفيق. المجنون هو الذي فقد عقله هو الذي فقد عقله سواء فقده بجنون أو بإغماء أو بحادث أو بكبر المهم أنه كل من فقد عقله فإنه مرفوع عنه القلم. Et celui qui n'a pas sa raison jusqu'à ce qu'il la retrouve. Beaucoup pensent que Al-Majnoun, c'est celui qui est possédé. Dans ce hadith, le sens est plus large. Al-Majnoun, les savants disent que c'est celui qui n'a pas sa raison. Quelle que soit la cause, il peut perdre sa raison car il est possédé par un djinn qui prend le contrôle de sa personne et de son corps. Il peut également perdre sa raison en s'évanouissant. Il peut perdre sa raison suite à un accident, par exemple, comme un accident vasculaire ou autre. Comme il peut perdre sa raison lorsqu'il a atteint un âge très avancé. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir de ce hadith est celui qui perd sa raison jusqu'à ce qu'il la retrouve. Donc la deuxième catégorie, ce sont les enfants. Il ne leur est pas obligatoire de jeûner jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la puberté. Et le fait que le jeûne du Ramadan ne leur est pas obligatoire . Cela ne veut pas dire que leurs parents ne leur demandent pas de jeûner. Au contraire, il faut inciter les enfants à jeûner le mois du Ramadan pour qu'ils s'entraînent et s'habituent à jeûner afin que ce ne soit pas une chose étrange ou une chose difficile pour lui lorsqu'il aura atteint l'âge de la puberté. Ainsi étaient nos salafs, nos pieux prédécesseurs, radiyallahu anhum, parmi les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Les compagnons, radiyallahu anhum, faisaient jeûner leurs enfants. Et ils les emmenaient à la mosquée. Ils leur préparaient même des jouets fabriqués en laine. Et lorsque les enfants commençaient à se plaindre de la faim ou de la soif, il leur donnait ces jouets fabriqués en laine afin de les distraire. Malheureusement, un certain nombre de parents sont négligents vis-à-vis du jeûne des enfants. Certains même interdisent leurs enfants de jeûner quand ces mêmes enfants expriment leur volonté, leur souhait et leur désir de jeûner. Et nul doute que cela est une erreur. Lorsque ton enfant exprime le désir et le souhait de jeûner, laisse-le jeûner. Ne le prive pas de ce bien et prends comme exemple les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains disent oui, mais je lui refuse de jeûner par pitié pour lui et par miséricorde. Nous leur répondons que la pitié et la miséricorde résident dans le fait d'éduquer nos enfants à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et effectivement, si tu vois et tu constates que le jeûne est extrêmement difficile pour ton enfant, voire néfaste dans ce cas, oui, donne-lui à manger et fais en sorte qu'il ne soit pas touché par un mal. L'enfant donc ne jeûne pas jusqu'à ce qu'il atteigne, ne lui est pas obligatoire, pardon, de jeûner jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. ويحصل بلوغ الذكر بواحد من هذه الأمور الثلاثة. أحدها إنزال المني باحتلام أو غيره. لقوله سبحانه وتعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ولقوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم. Jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. Concernant les garçons, ils atteignent l'âge de la puberté par trois choses, ou par l'une de ces trois choses. La première, l'éjaculation, que ce soit lors d'un rêve ou autre. Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate An-Nur. Et quand les enfants parmi vous atteignent la puberté, qu'ils demandent la permission d'entrer comme font leurs aînés. Dans ces versets de sourate An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du comportement à avoir dans les maisons, et notamment la demande d'autorisation lorsque l'on veut entrer dans une pièce. Dans ce verset 59, Allah Azza wa Jal parle des enfants qui ont atteint l'âge de la puberté. Et dans le verset précédent, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ceux qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté et que les enfants ne doivent pas entrer dans la chambre de leurs parents, par exemple, pendant 3 moments de la journée. من بعد صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. Comme dit Allah Azza wa Jal, après la prière du Fajr, وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة, et lorsque vous enlevez vos vêtements au moment de forte chaleur. وَمِنْ بَعْدِ صَلَاتِ الْعِشَاءِ, et après la prière de l'Isha. Après la prière du Fajr, car à ce moment-là, les personnes se mettent à l'aise et souvent se recouchent. Au moment où il fait très chaud, car les personnes, pendant cette période, pendant ce moment de la journée, enlèvent leurs vêtements lourds et épais pour revêtir dans l'enceinte de leur demeure des vêtements plus légers qui leur permettent de mieux supporter cette forte chaleur. Et après la prière de l'Isha, lorsque les gens s'apprêtent à se coucher et portent souvent des vêtements légers. En dehors de ces 3 moments, il est autorisé aux enfants de se promener dans la maison et de passer d'une pièce à l'autre sans demander l'autorisation. Et Allah Azza wa Jal parle ensuite, dans le verset suivant, aux enfants qui ont atteint l'âge de la puberté. Aux enfants qui ont atteint l'âge de la puberté, eux doivent demander l'autorisation dans tous les cas. Car Allah Azza wa Jalla dit: La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ne rentrez pas dans une pièce qui n'est pas la vôtre jusqu'à après en avoir demandé l'autorisation et avoir salué ceux qui s'y trouvent. الأمر الثاني الذي يحصل به البلوغ للذكر نبات شعر العانة وهو الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل. Le deuxième moyen qui atteste de la puberté, c'est le fait qu'il y ait des poils rigide qui pousse autour du pubis, qui pousse dans le pubis, qui est cette zone autour des parties intimes. والأمر الثالث بلوغ تمام 15 سنة لقول ابن عمر رضي الله عنهما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني. وفي رواية في صحيح ابن حبان وفي سنن البيهقي ولم يرني بلغت وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. Donc le troisième moyen par lequel l'on atteint l'âge de la puberté, c'est avoir atteint les 15 ans. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Umar radiallahu an, qui dit qu'il s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la bataille de Uhud, alors qu'il avait 14 ans radiallahu an, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas autorisé à participer dans cette bataille. Et dans une version de l'imam al-Bayhaqi, dans les sunan de l'imam ibn Hibban, Et dans le Sahih de l'imam Nuhibban, Abdullah ibn Umar radiallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas considéré que j'étais pubère. Puis, je me suis présenté à lui le jour de la bataille de la tranchée. J'avais alors 15 ans. Il m'a autorisé à participer à cette bataille. Quant aux filles, elles atteignent l'âge de la puberté lorsque ces trois éléments cités précédemment pour les garçons, où l'un de ces trois éléments a lieu, et s'ajoute une quatrième chose, à savoir les menstrues. Lorsque la fille atteint, ou lorsque la fille a ses menstrues, elle a alors atteint l'âge de la puberté. C'est alors une fille responsable, même si elle n'a que 10 ans. Et celui qui atteint l'âge de la puberté, alors pendant le mois du Ramadan, pendant la journée du Ramadan, celui qui atteint l'âge de la puberté pendant la journée du Ramadan, il y a deux cas de figure. Soit il était en état de jeûne, donc il jeûnait déjà, puis il a constaté pendant la journée de Ramadan qu'il est devenu pubère, alors il continue son jeûne. Le deuxième cas de figure, il ne jeûnait pas. Donc il avait le droit de ne pas jeûner vu qu'il n'était pas encore pubère. Et pendant la journée de Ramadan, il constate sa puberté. Il ou elle. Il doit obligatoirement s'abstenir de manger, de boire. Et il doit obligatoirement jeûner le reste de la journée et il n'aura pas à rattraper ce jour. Il n'aura pas à rattraper ce jour car au début de la journée, il ne faisait pas partie des personnes pour qui le jeûne était obligatoire. La troisième catégorie de personnes, al-qism al-thalith, al-majnoun, وهو كما شرحناه هو فاقد العقل لا يجب عليه الصوم لما سبق من قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث الحديث. La troisième catégorie de personnes est celui qui n'a pas sa raison. Il ne lui est pas obligatoire de jeûner. La preuve est le hadith que l'on a cité précédemment concernant les trois catégories de personnes sur lesquelles la plume est levée. Et la personne qui n'a pas sa raison, même si elle jeûne, son jeûne ne sera pas valide. Car il n'a pas de raison. Or, pour qu'une adoration soit valide, il faut qu'il y ait une intention. Et une adoration ne peut être valide sans intention. La preuve est le hadith que vous connaissez tous. Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. Les actes valent par leur attention. Celui donc qui n'a pas sa raison et donc qui n'a pas d'intention, son adoration ne peut pas être valide. Et si cette personne, durant la journée, perd sa raison et la retrouve, elle vacille entre la perte de raison et le fait de recouvrir celle-ci. Dans ce cas, les savants disent qu'il doit jeûner lorsqu'il a sa raison. Et qui ne jeûne pas lorsqu'il n'a pas sa raison. Concernant celui qui a sa raison au début de la journée. Donc, avant la prière de l'Fajr, il avait sa raison et il décide de jeûner. Puis il perd sa raison pendant la journée. Son jeûne reste valide, car il a entamé cette adoration avec une intention. Puis il a perdu sa raison. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, perdre sa raison pour diverses raisons. Cela peut avoir lieu pour diverses raisons. Par exemple, celui qui jeûne au début de la journée avec l'intention de jeûner, puis s'évanouit. Donc il perd sa raison. Puis il se réveille. Est-ce que son jeûne est valide? La réponse est oui. Et il n'aura pas à rattraper son jeûne parce qu'il a perdu sa raison de façon temporaire. Et si une personne, au début de la journée, n'avait pas sa raison, puis, pendant la journée de Ramadan, il retrouve sa raison. Les savants disent qu'à ce moment, il doit alors jeûner le reste de la journée, car il fait partie de ceux qui doivent jeûner. Et il n'aura pas à rattraper son jeûne. Il n'aura pas à rattraper son jour, car il est considéré comme l'enfant qui a atteint l'âge de la puberté. Et il est considéré comme le non-musulman qui se convertit. Le non-musulman qui jeûne, son jeûne n'est pas accepté. Et s'il se convertit durant la journée de Ramadan, il doit alors jeûner le reste de ce jour et il n'aura pas à rattraper ce jour. Car avant qu'il ne se convertisse, le jeûne n'était pas obligatoire pour lui. Al-Qism al-Rabi' al-Harim alladhi balagha al-hadayan wa saqata anhu tamyizuhu wa saqata تمييزه فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام عنه لسقوط التكليف عنه فأشبه الصبي قبل التمييز. La quatrième catégorie de personnes, c'est le vieillard qui a des moments de délire ou qui est en état de démence. Donc c'est une personne qui a un âge avancé au point que il n'a pas sa raison. Et ses paroles ne sont pas des paroles sensées et des paroles compréhensives. De même que ses gestes, ce qu'on appelle souvent la démence. Cette personne qui a un âge avancé et qui est dans cet état, il ne lui est pas obligatoire de jeûner. De même qu'il n'est pas obligatoire de nourrir un pauvre pour lui. C'est une personne qui n'est plus responsable. Il ressemble en jugement à un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Et si cette personne a des moments de discernement, puis des moments de démence, alors il doit jeûner lorsqu'il a ces moments de discernement. Et concernant cette personne, ou ce type de personne, le jugement du jeûne est comme le jugement de la prière. Lorsqu'il est dans cet état, la prière n'est pas obligatoire pour lui. Et lorsqu'il a des moments de discernement, alors on lui demande de prier. Et cette catégorie de personnes ont besoin de leur famille, de leurs proches, pour les diriger et pour les assister dans ces moments. القسم الخامس العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى زواله. La cinquième catégorie de personnes, c'est celui qui est incapable de jeûner, incapable d'une incapacité permanente, comme celui qui a atteint un âge avancé, comme le malade pour lequel on n'espère pas de guérison. Ces personnes, il ne leur est pas obligatoire de jeûner, car elles n'en ont pas la capacité. Et Allah Azza wa Jal dit « فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ » Craignez Allah comme vous le pouvez. Et il dit aussi « Subhanahu wa ta'ala »« لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا » Allah n'impose pas à une âme une chose au-dessus, une charge au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Mais cette catégorie de personnes doit nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Doit nourrir un pauvre pour chaque jour, non jeûné. Quelle est la différence entre la quatrième catégorie et la cinquième? Dame. Pour la cinquième, on ne s'adresse pas qu'aux vieillards. Dame. La différence entre la quatrième, la raison, c'est la raison. La quatrième catégorie, on a dit, ce sont ceux qui sont en âge avancé et qui sont en état de démence et qui n'ont plus de discernement. Et souvent sont en état de délire, si on peut appeler cela comme ça. Et donc cette personne, le jeûne ne lui est pas obligatoire. Et on ne nourrit pas pour elle un pauvre pour jour non jeûné. Car c'est une personne qui n'est pas responsable. La cinquième catégorie, on a dit que ce sont les vieillards ou les malades atteints d'une maladie incurable. Donc ceux-là ont leur raison. Mais ils n'ont pas la capacité physique de jeûner. Et parce qu'ils n'ont pas la capacité physique de jeûner, tout en ayant leur raison, alors ils nourriront pour chaque jour non jeûné un pauvre. Comment nourrir un pauvre? Beaucoup posent cette question. La réponse est, il y a deux façons de nourrir un pauvre. Soit de donner des denrées alimentaires qui font partie de la nourriture de base du pays dans lequel on se trouve. Que ce soit du riz, du blé, de l'orge, etc. Dans ce cas, il faut donner un mod qui est le quart d'un sa', que les savants estiment à peu près à 1 kg 200 g, à peu près. Entre 1 kg 200 g et 1 kg et demi, à peu près. Dans ce cas, tu donnes l'équivalent de 1,2 kg, 1,5 kg de denrées par jour non jeûnées à un pauvre. En donnant des denrées de bonne qualité. La deuxième possibilité est de préparer un repas et d'inviter les pauvres à venir le manger. Et dans ce cas, les savants disent que tu dois donner, si c'est un repas préparé, un dîner ou bien un déjeuner. Un dîner ou bien un déjeuner. Al-Imam al-Bukhari, rahimahullah, a dit « Amma al-Shaykh al-Kabir, إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. » الإمام البخاري رحمه الله a dit quant à la personne âgée qui n'a pas la possibilité de jeûner. Anas رضي الله عنه, Anas ibn Malik رضي الله عنه, lorsqu'il avait un âge avancé, pendant une année ou deux, il n'a pas jeûné et a nourri un pauvre pour chaque jour non jeûné en donnant du pain et de la viande. En donnant du pain et de la viande. Et Anas ibn Malik radiallahu anhu fait partie des compagnons qui ont vécu longtemps, radiyallahu ta'ala anhu, bi barakati du'a'i nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah azza wa jalla en sa faveur pour qu'Allah lui accorde une longue vie. Et ainsi Anas ibn Malik rahimahullah a vécu longtemps jusqu'à ce qu'on dise qu'il a même enterré certains de ses arrière-arrière-petits-fils. Radiyallahu ta'ala anhu. L'on voit à travers ces différentes catégories, on en a cité 5, la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et la miséricorde de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala à l'égard de ses serviteurs, qui leur a légiféré une religion basée sur la facilité, une religion parfaite, pleine de sagesse, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a donné à chaque personne et à chaque catégorie de personnes ce qui lui correspond comme jugement. Et chaque catégorie de personnes vis-à-vis des adorations d'Allah azza wa jal trouve sa place et a le cœur apaisé et agréé Allah comme Seigneur. L'islam comme religion et le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme envoyé. Nous devons donc être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de mettre en pratique sa noble religion et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers ce qu'il y a de mieux et de nous épargner de l'égarement. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal an yuthabbitana fi dinina. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de raffermir nos pas dans cette religion qui est l'islam. Et de ne pas être déstabilisé par quiconque voudrait remettre en cause la noblesse de cette religion de l'islam et la perfection de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une religion dont nous devons être fiers de faire partie de ceux qui la mettent en pratique. Wa naktafi bihad al-qadr. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on continuera à décrire les cinq autres catégories de personnes vis-à-vis du jeûne. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.